À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les floralies de Kim Jong-il à fleurs d'honneur se sont déroulées en Russie, en Chine et en Mongolie. Y étaient exhibées plusieurs centaines de Kim Jong-il, les œuvres classiques des grands hommes pectosan, les livres et les photos montrant la fière réalité de la Corée qui se développe sous le drapeau de Sun Gun. À la cérémonie d'inauguration, on prit part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes.